Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Patson. Salut Sofiane, salut à tous, à toutes, toutes les personnes qui vont entendre cette voix. Et c'est un plaisir de l'entendre justement. Tout le monde te connaît du Jamel Comedy Club avec le fameux Yes Papa. C'était parmi les meilleurs passages et tout. Tes passages au Jamel, ils ont vraiment marqué les esprits quoi. Oui, tout à fait. C'était fait pour ça. C'est 4 saisons du Jamel Comedy Club où il fallait frapper fort, il fallait apporter du nouveau dans tout ce qui est artistique, le stand-up. Il fallait changer, bouleverser un peu les habitudes de certaines personnes, ouvrir sur la diversité, ouvrir sur d'autres cultures. Donc, c'était 4 années d'enrichissement personnel, d'apport et puis d'ouverture et permettre, le but c'était de permettre aux jeunes aujourd'hui d'avoir leur place dans le stand-up français. Ah ben, je peux te dire, et je le dis vraiment avec une sincérité vraiment complète, le Jamel Comedy Club, c'est ce qui m'a déjà donné envie à moi de monter sur scène, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire là. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient et qui n'avaient aucune prédisposition pour arriver à vivre d'un métier d'humour ou quoi à la base, je me disais, ah mais c'est génial, ça veut dire que c'est possible. En fait, le Jamel Comedy Club, toi et tous les autres, surtout les humoristes de la saison 1, vraiment, vous avez montré que c'était possible également, même quand on n'a pas, je ne sais pas, du piston ou tu vois, qu'on n'est pas né dans une famille de personnes du spectacle et tout, tu vois. Donc, vous avez ouvert la voie à... C'était un peu le champ des possibles qui s'ouvrait à nous, quoi. Donc, vraiment, du fond du cœur, merci. Le merci est partagé, puisque le merci aussi va vers le public, va vers ceux qui ont porté le projet et ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. C'est vrai qu'en France, lorsqu'on parlait de théâtre, on parlait d'art, de stand-up, de one-man show, ce n'était pas les quartiers populaires qui étaient visés. Pour nous, on se disait, bon oui, le théâtre, c'était autre chose que ça. C'est des comédies françaises, c'est le film, c'est ceci. On ne pouvait pas toucher. C'est comme le tennis à l'époque. Les gens faisaient du tennis, on disait, waouh, c'est impossible. Mais nous, c'était plus le foot, la boxe, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et le théâtre, c'était, on est arrivé à changer ça. C'est vrai que dans tout ce qui est one-man show, c'était les inconnus, Smaïn, les premiers qui ont tutoyé un peu ce côté-là, qui ont apporté du 109. Et après, nous, on est venus, on a vraiment bouleversé, on a ouvert cette grande porte qui fait qu'aujourd'hui, des artistes, on peut même plus les compter. Avant, on les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ben, je ne sais pas, il y a tellement d'artistes, il y a plus d'artistes que de public. Voilà. Donc, on en est fiers. On était conscient du travail et pour moi personnellement, mais je vais faire une tautologie, une répétition. Pour moi, personnellement, pour bien marquer le coup, j'ai apporté cette culture africaine. C'était jamais fait. J'ai apporté cette culture africaine dans le stand-up en associant ma culture africaine ivoirienne de Côte d'Ivoire, Afrique noire. Et la culture française qui m'a adopté, que j'ai épousé, comme on peut dire. Et aujourd'hui, ça fait un mélange et que tous les jeunes aussi aujourd'hui sont décomplexés de parler d'eux, de parler de leur physique, de parler de leur pays d'origine. Aujourd'hui, ils s'en foutent d'avoir l'accent ou peu importe. Et ça fait plaisir. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui, tu as montré qu'en fait, on pouvait être soi-même et faire du stand-up et tout. Et c'est justement ce qui m'a attiré, moi, dans le stand-up, c'est le côté, pas besoin de jouer forcément un personnage. On peut être soi-même sur scène et parler de ce qui nous touche, tout simplement. Donc vraiment, ouais, non, c'était super intéressant. Et justement, à travers toutes ces années, parce que j'imagine que déjà avant le Jamel Comedy Club, tu avais déjà fait beaucoup de scènes, tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, je veux dire, quand on regarde ta carrière, carrière, tu as dû avoir des anecdotes, et c'est le but du podcast justement, tu as dû avoir des anecdotes magnifiques, des choses qui te sont arrivées vraiment, qui reviennent dans ton esprit dès que quelqu'un te dit est-ce que tu as vécu des trucs un peu spéciaux ou quoi. Il doit y avoir quelques anecdotes qui reviennent. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'en ai tellement dans le métier, dans mes dates de tournée. Des choses qui... Je pense que ce qui me vient en tête et le plus naturel et qu'aucun comédien l'a fait, c'est quand la sœur de Mamadou Sakho, à 7 mois de grossesse, a commencé à accoucher dans ma salle. C'était le théâtre Le Mairie, en 2011, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et au Mairie, ça... On était dans la salle, il y avait Mamadou Sakho, il y avait d'autres personnalités. Et puis, d'un seul coup, ils se sont levés en courant, en partant. Alors, ils ont tellement rigolé quand ils partaient. Je me suis dit, ce n'est pas le spectacle qui est naze. Ils n'aiment pas le spectacle, ils se sont trompés de spectacle. Mais pourquoi ils s'en vont? Est-ce que j'ai vanné? Et sa sœur, elle rigolait tellement qu'elle disait, arrête. Et je n'arrêtais pas. Et là, ça a déclenché son accouchement. Pourtant, avant de venir à la salle, elle avait vu le médecin dit, il n'y a pas de risque, vous êtes à 7 mois, vous n'allez pas accoucher maintenant. Et elle a commencé à perdre, on dit, les os ou les os. Les os, oui, elle a perdu les os. Quand ils ont dit les os, j'ai dit, bon, elle sortait du KFC, peut-être elle avait un saut de KFC quelque part dans le coin. Voilà. Et je vois Mamadou Sakho courir, tout le monde courir, ils s'en vont. Et puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un qui crie derrière, elle va accoucher. J'ai dit, allez-y rapidement, dépêchez-vous. J'ai dit, dépêchez-vous parce qu'il ne faut pas qu'elle accouche dans la salle. Parce que si jamais elle accouche dans la salle, l'enfant va venir tous les jours voir le spectacle gratuitement. C'est comme quand tu accouches dans un avion, il doit prendre l'avion gratuit. Et moi, je ne voulais pas que ce gamin vienne regarder le spectacle gratuitement à vie. Je ne voulais pas qu'il naisse dans ma salle, quoi. Sinon, il va venir tout le temps, il va squatter. Et ouais, donc, j'ai dit, voilà, et ils sont partis. Ça, c'est magnifique. Après, l'enfant, son surnom, c'est Patson. Je suis allé. Et ça a rapproché Mamadou Sakho et moi et toute sa famille. Parce que j'ai quand même fait accoucher un enfant, quoi. Et une semaine après, je vois dans la salle 9 femmes enceintes. Peut-être elles ont entendu que je faisais accoucher les femmes. Elles sont arrivées. Et ce jour-là, j'ai dit non, j'ai un métier quand même. C'est pas la maternité ici. Il y avait 9 femmes enceintes. Et ce jour-là, j'ai dit non, j'arrête, quoi. Je ne veux pas faire accoucher les femmes des gens. On n'est pas l'usine, quoi. Voilà. J'ai été le premier humoriste, peut-être au niveau mondial, parce que j'ai cherché à faire accoucher une femme. Et le médecin a dit ça peut arriver parce qu'elle a eu, ça a déclenché le contraception ou contraception, j'en sais rien. C'est des thèmes des gens qui accouchent. Moi, j'ai jamais accouché, donc Ouais, c'est les contractions. Oui, contraception, j'en sais rien. C'est un truc qui fait comme quoi. Voilà. Et c'est magnifique. J'en ai connu dans l'avion, il y a des années où le pilote, carrément, il vient me voir et dit, Monsieur Patson, franchement, chapeau, merci pour ce que vous faites, vous me faites rire. Ah non, j'adore ce que vous faites et tout. Et puis il me parlait, je dis, tu sais quoi? Je te dis un truc, j'adore quand tu es assis à ta place, quoi. Parce que il me voit pour me féliciter, mais qui conduit l'avion? Si tu continues, je ne pourrais plus faire rire quelqu'un. Vas-y, va t'asseoir là-bas si tu veux. Je viens te raconter la blague là-bas, mais ne te lève plus de ta place. Il était mort de rire. Et il a couru à sa cabine. Une fois, j'étais sur scène avec une Jamaïque Comedy Club. Il y a une nana qui monte sur scène, c'était à Bordeaux. Elle vient, elle m'embrasse, elle me serre. Oh, je t'aime. Et puis, elle me met un bracelet à mon poignet. Et c'était une nana, une avion de chasse, comme on dit, une tueuse, une belle. Et puis les gars de la sécurité, ils détachent la nana et puis ils la font partir. Je ne leur ai rien demandé. Attends, la nana, elle est belle, laissez-la. Pourquoi vous l'enlevez? Une fois d'avant, il y avait une nana, elle n'était pas belle. Ils l'ont laissée. Et puis c'est enlevée. Je dis, les gars, ne me rendez pas service dans ces cas-là, quoi. C'est des trucs comme ça. J'ai vu qu'une fois, on arrive aux Antilles, en Guadeloupe, il y a une dame qui me met une claque. Elle me met une claque, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle dit, tu es un fou, quoi. Ton sketch sur la diarrhée, tu m'as tué. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. L'autre, elle me met une claque pour me dire que je l'ai tué. Ah, voilà. En Algérie, c'était pareil. En Algérie, c'était un truc de fou. Pendant que je jouais mon sketch, des gens, ils connaissaient tout le spectacle, quoi. le mec il était à la fin, quoi, il était en train de saluer tout le monde, quoi. Il dit, et à la fin, il vient me voir, il pleure. Il pleure, il dit, je t'adore, j'aime ce que tu fais. Franchement, je suis content de te voir. Et puis, il me dit, si tu ne veux pas me donner un certificat d'hébergement, je viens en France. Ça n'a rien à voir. Il m'aime parce qu'il pensait que j'allais le faire entrer en France. Ça n'a rien à voir. Ah, c'était pas de l'amour, c'était pas de l'amour artistique, c'était de l'amour administratif, quoi. Il m'aimait, mais il voulait pas venir en France pour venir chez moi, pour que je l'adopte, lui, de le faire traverser. Et puis, tout le monde demandait des autographes, au lieu de demander un autographe ou une photo, il demandait un certificat d'hébergement. Je le vois, il me donne un papier avec son nom, son prénom, il dit, envoie-moi un certificat d'hébergement. Je regarde, même moi, j'ai eu du mal à rentrer en France. J'ai pas le business, sinon ma mère serait en France, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord, mais je comprends. Mais c'est beau quand même de voir ça, les gens comme ça qui viennent te voir et tout. Moi, je sais que quand je joue mon spectacle et qu'à la fin, j'ai des gens qui m'attendent et tout pour parler, pour échanger avec moi, ça me fait tellement plaisir. Et toi, vraiment, je veux dire, moi, clairement, je suis à des années-lumière de ce que toi, t'as fait. Mais je veux dire, à mon petit niveau déjà, ça m'a fait super plaisir. Mais toi, avec l'exposition de la télé, tout ça, je pense que t'as dû vivre ça fois mille, quoi. Ben, moi, j'ai vécu des choses, des artistes ont vécu des choses. Mais j'ai, par exemple, au Comores, il y avait, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui étaient venues au Comores m'accueillir. À un moment, les gens m'appelaient Makelele, ils ne comprenaient rien. D'autres m'appelaient Au Mali, par exemple, le mec, on le dit Patson, dit Klaxon, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer Patson. J'étais mort de rire. Au Bénin, par exemple, je jouais, il y avait plus de 80 000 personnes sur une plage. Les gens étaient tellement contents de me voir. D'autres ne parlaient pas français, mais comme je jouais en français, ils m'insultaient. Ils sont venus, ils m'insultent et ils ne comprenaient pas. Mais quand je commence à chanter, à faire des trucs, là, ils sont contents. Dès que je commence à parler posé, ils m'insultent. Ouais, j'ai tellement vécu des... Une fois, je rentre dans un magasin, je viens acheter un truc. Le mec, il me donne tout. Plus de... 2 000 euros de truc, il dit partez. Ce métier m'a tellement apporté. Je suis allé manger chez les gens. Souvent, quand on parle de N'Golo Kanté, c'est qu'il ressent ce qu'il fait, la simplicité de N'Golo Kanté. Je suis admiratif de ce monsieur. Je dis monsieur, je suis plus âgé que lui, mais je dis monsieur parce que c'est un monsieur. Et d'accepter d'aller chez les gens, aller manger, il m'invite à manger à leur table. Une fois, il y a eu un accident sur la route, sur l'autoroute entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Tout le monde passe, il filme. Moi, je m'arrête pour apporter assistance. Et la famille qui était en danger, je m'arrête, je peux vous aider. Ils me regardent, ils ont oublié qu'ils ont fait un accident. c'est l'humoriste, Patson. Je viens les aider et puis regardez comme ça, les pompiers viennent, ils étaient sur moi, on les accompagne aux urgences, je les prends dans ma voiture, je vais les déposer, mais ils n'en croyaient pas, ils ne savaient pas, ils pensaient, ils se disent, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Oui, mais Patson, et c'est énorme, j'ai vécu des... Un jour, c'était une nana sur les champs, qui demandait de l'argent, une robe, qui demandait une pièce. Et puis, on était à la FNAC avec Mokoubé, on avait fait le son, c'est dans la joie. Et on sort, et la nana, elle vient demander des pièces. Donne-moi l'argent. Et puis, elle me voit, au moment où elle me tend la main, elle me dit, donne-moi l'argent, elle me voit, et puis elle fait, aïe, elle s'est mise à chanter le morceau. Yes, papa, j'ai des jambes. La nana, elle connaissait mes sketchs. Et quand elle a dit ça, j'étais obligé de donner un billet. Merde, ça m'a fait mal, quoi. Je sais comment elle m'a connu. Donc, du coup, j'étais obligé de donner l'argent, mais ça fait. C'était drôle à la fois. Elle vient me donner l'argent, elle me reconnaît et je lui donne. C'est dans ce métier, ça nous a poussé, ça m'a mené à des choses et que tu es obligé d'aimer les gens parce que c'est les gens qui te font. Une fois, c'était un VTC. J'en ai tellement d'années. À mon avis, ce truc, ton reportage, c'est un DVD, tu dois sortir, quoi, parce que j'ai tellement de choses à dire. Une fois, il y a un gars à la gare du Nord, et il roule mal, un VTC, il roule mal. Et moi, je n'aime pas quand quelqu'un se comporte mal. C'était très tôt le matin, je ne vais pas dire son nom, mais il grille le feu, quoi, en gros. Et puis, il passe devant moi, il roule comme un fou. Bon, moi, j'aime la vitesse, mais je roule prudemment. Et à un moment, je le corse et je m'arrête au feu et je baisse la vitre pour l'engueuler, quoi. Dès qu'il voit ma tête, « Yes, papa, Patson, je te kiffe !» Le mec, tu ne peux plus l'engueuler. « Qu'est-ce que tu veux ?» Non, je te... Et donc, j'ai dit, frérot, fais gaffe, tu vois, il est 6 heures du matin, tu grilles le feu, tu as fini. Il dit, j'ai fini de travailler. J'ai dit, ouais, mais t'as pas mis ta teinte, il ne faut pas qu'on leur donne la mauvaise nouvelle. Il a dit, ouais, tu as raison, frérot, tu as raison. Voilà, c'est ça, Patson. Mm. C'est ça. Eh ben, c'est bien, c'est exactement ça, oui, ce personnage que tu as créé au final, même si, bien évidemment, c'est puisé dans ta vie à toi et dans ton histoire, dans ton vécu, c'est beau parce que tu donnes... ouais, enfin, franchement, je connais personne qui va me dire « Moi, les sketchs de Patson, franchement, ça m'a, enfin, genre, ça m'a laissé froid, quoi. » Tu vois, genre, y a, vraiment, ça, c'est, tu vois, c'était très rythmé. Moi, j'aimais beaucoup tes entrées en dansant, tout ça. Et on le voit encore quand on regarde les vidéos aujourd'hui du Jamel Comedy Club. Dès que tu arrives, on voit que tout le monde est super content parce qu'ils se mettent à danser, à bouger. Tu vois des gars dans le public qui se lèvent, tu vois, voilà. Par rapport à ton anecdote, tu vois, du VTC qui t'a reconnu et qui après, tu peux plus l'engueuler. J'ai vécu un truc, alors moi, c'est pas du tout, j'ai pas du tout le même niveau, mais j'ai vécu un truc à mon petit niveau qui est exactement pareil. Un niveau, c'est un niveau. Il n'y a pas petit niveau, grand niveau. Parce que le petit niveau chez quelqu'un, c'est un grand niveau chez quelqu'un d'autre. Donc, ton niveau est un niveau. Tu vois. Eh bien, je te remercie, ça me va droit au cœur. En tout cas, donc, moi, ce qui m'est arrivé, donc, moi, je suis à Bordeaux et tout, je suis chauffeur de bus et je roule comme ça à côté de, à Villenave-d'Ornon exactement, il y a le McDonald's là-bas et il y a le rond-point. Et je vois un mec, donc moi j'arrive avec le bus comme ça, je vais pour passer, et il y a un mec qui s'est garé avec son Scénic, il s'est garé à la sortie du rond-point, et il y avait le McDrive juste à côté. Et moi dans ma tête, je dis, attends, il s'est pas arrêté là pour aller chercher de la bouffe au McDo quand même. Et je m'arrête à côté de lui avec mon bus, et j'ouvre la porte, et je vais pour l'engueuler normalement, et le gars il me reconnaît, il me fait, ah Sofiane, parce qu'en fait on présente des scènes ouvertes ici à Bordeaux, on a une scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style, et du coup le mec il m'a reconnu, j'allais lui dire, oh tu peux bouger ta caisse là, c'est pas un endroit pour se garer, et en fait avant que je parle, heureusement que le mec a parlé avant moi, parce qu'il m'a dit, salut Sofiane, il me dit je suis en panne en fait, je me suis garé là, désolé et tout, et après je dis, ah ok pas de problème, bonne soirée, tu vois, je sais pas. Il a coupé l'élan, c'est pour ça il faut pas être, quand on fait ce métier ou quand on fait d'autres métiers, ou dans la vie, il faut être tolérant. Je ne dis pas que je ne m'énerve pas. Il faut être tolérant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent. Il faut avoir de la patience, il faut écouter, il faut expliquer, il faut parler aux gens. Et puis, ça peut être dramatique parce que je me rappelle dans le 19e arrondissement de Paris, un jour, il y a un mec qui me fait un truc. Et je m'arrête. Le mec, il descend, il veut qu'on se tape dessus. Et puis, d'un seul coup, il y a des gamins du 19e qui me reconnaissent, des jeunes qui passaient, et puis disent « Ah yes, papa, Patson, tu es en danger, quoi. Tu veux un coup de main ?» Et ils viennent, commencent à embrouiller le gars. S'il te plaît, j'ai protégé le gars. Je dis « Monte dans ta voiture, va-t'en, parce que si tu essaies de te battre avec moi, les jeunes vont te défoncer et je vais avoir des problèmes. » Donc, comme je suis connu, s'il te plaît, je suis connu parce que les gamins, ils me kiffent tellement qu'ils vont te faire du mal. Et le mec dit « Ah bon, tu passes à la télé ?» Le mec qui voulait se battre, il change de ton. Ah bon, tu passes à la télé? J'ai dit, je passe pas souvent à la télé, mais tous les jeunes là me connaissent. S'ils savent que tu es en train de m'embrouiller ou on est en train de s'embrouiller, ils vont se mettre à plusieurs à te défoncer et je n'ai pas envie d'aller au commissariat pour dire bagarre en réunion ou quoi que ce soit. Donc, monte dans ta voiture. Et ils ont dit, passe à s'embrouiller. J'ai dit, non, c'est un cousin, on est en train de saluer, on se chamaille. Et puis le mec, en partant, il m'a dit, merci beaucoup, il est parti. Voilà, il y a des choses comme ça. Une fois, c'était la police, c'était la douane. Il m'arrête et puis il voit mes DVD dans le coffre. Il dit, mais tous ces DVD-là, vous avez une facture? C'était autoroute A6, sortie de péage. Il dit, vous avez une facture? J'ai dit, non. Il dit, mais vous transportez des trucs, vous n'avez pas de facture, contrôle, papier, tout ça. Et puis, il y a un qui vient, il regarde les DVD. Il dit, mais en plus, c'est les DVD de Patson, ça. Et pourquoi vous avez tout ça dans sa voiture? Et il me regarde et puis d'un seul coup, il dit, mais c'est lui. Et puis, je ne comprenais pas. Il dit, oui, yes, celui qui fait le truc là, yes, papa, ah, il est bon. Ah, c'est Jamel Comedy Club et tout. Le gardien, bon, il est connu. Il dit, oui, il est connu. Oh, on peut faire une photo, ma femme te kiffe. Déjà, quand il dit ça, et puis à un moment, les gens qui passaient à l'autoroute, ils voient des douaniers qui font une photo avec un noir. Ils n'ont rien compris, quoi. Après, ils me laissent partir. Il me laisse partir, il était content. Une fois, c'était aussi des gendarmes d'autoroute. Ils me voient, je bourrais un peu. Bou, bou, bou, et je tirais. Il vient à mon niveau. Et puis, je baisse la vitre, je fais comme s'il m'avait pas, je ne comprenais pas. Et puis, il baisse la vitre, il m'a reconnu, il m'a dit, hey, Patson, même si on fait des yes, papa, j'ai des jambes, tes jambes sont lourdes, allez, va doucement. Et puis, voilà. C'est comme ça, des anecdotes, il y en a plein. Sur scène, mes débuts, je ne connaissais pas mes sketchs. J'avais ma première scène où le monsieur m'a donné le temps de jeu, je ne connaissais pas mes sketchs. Et le mec, je suis venu. J'écrivais derrière, je venais raconter la blague, je partais, je racontais la blague. Il a kiffé, m'a programmé vendredi, samedi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Et c'est comme ça, il m'a donné ma chance. Donc, tout cela, c'est des anecdotes. Et puis, ça me fait penser à toutes ces personnes qui, sur le chemin, m'ont aidé, qui m'ont fait grandir, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau spectacle qui va arriver après le Covid, qui s'appelle Tonton Flingueur, où j'allume tout le monde. Moi, je ne fais pas de différence. Je suis pour le métissage culturel, physique, peu importe, et je suis pour le métissage des papiers de la carte de séjour, tu deviens français. Je suis pour le métissage, quoi. Donc, pour moi, tout ça m'a mûri, tout ça fait que je suis encore là. J'ai mes enfants, des jeunes reprennent mes skates, comme tu disais tout à l'heure, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ils reprennent. J'ai fait trois films, et encore des trois films, j'ai été invité dans trois films, ce ne sont pas mes films. Où je me suis bien comporté, les gens reprennent mes répliques. J'en suis fier, je suis content. Et voilà quoi, c'est le bon Dieu qui a décidé, le travail et puis l'entourage quoi. D'accord, bah écoute, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment très beau et c'est une belle leçon de persévérance et d'humilité de se dire il faut continuer à vivre des anecdotes comme ça et à travailler et à rester humble et bienveillant envers les gens. Parce que les gens, comme tu l'as dit au début du podcast, c'est grâce au public que tu en es là. Donc tu es reconnaissant envers eux et nous, on est reconnaissant envers toi. Donc c'est un très bel échange. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de recueillir voilà, tes anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Dans le bus à Bordeaux, si tu as un ticket, oui, tu peux me retrouver. T'es le bienvenu quand tu veux. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram en Patson-officiel, Facebook Patson officiel. La tournée, ça sera en 2022, Inch'Allah, comme disent mes frères musulmans, si Dieu Ok. le veut. Inch'Allah. Et après, bon, nouveau spectacle, des séries, on Ok. décode, voilà. D'accord. Twitter, YouTube, peut-être? YouTube, ma chaîne, c'est Yes Papa Patson TV. On va mettre pas mal de choses dessus. Et puis, en tout cas, pour moi, je pense que l'humanité, on doit être un et vivre notre vie comme on le sent, comme on entend, et surtout de retenir. Les bonnes choses, les mauvaises choses, il faut que ça soit des choses qui nous permettent de progresser, d'avancer, de ne pas répéter les mêmes choses. Mais l'humanité, le métissage, le brassage d'ethnie, c'est pour ça dans mes sketchs, je donne des leçons d'éducation aux jeunes parce que c'est très important. Chacun écrit sa partition, quoi. Ben c'est très beau, oui, tu as totalement raison. Et puis, comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, je trouve que ça s'applique bien dans notre métier. Il suffit d'avancer et d'apprendre de nos erreurs et de ne pas refaire les mêmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tes anecdotes avec nous. Donc, je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.